Déteste-moi tant que tu y mets tout ton cœur. Fais-moi du mal avec le sourire. Souhaite-moi l'enfer à tout jamais. Si la peur c'est une deuxième fois souffrir, rends ma vie impossible à souhait. Jette-moi l'œil chaque fois que tu me verras. Du moins du regard jusqu'à ce que j'y reste. Pour prendre de la hauteur parfois dans la life, j'ai besoin qu'on me rabaisse. Pour se haïr il faut être deux. Je t'en prie reste encore un peu. C'est avec toi que je m'engueule. Je t'en prie, haïs-moi un peu. C'est grâce à ta haine que je m'en sors le mieux. Je suis fière de ce que porte mon dos.

It was Trio with Printemps Arabe, Zao with Encore un Matin, and Jean-Baptiste Guégan with Vers le Sud. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. Now we're going to listen to Maël avec Le Pianiste des Gares, The Pianist in the Train Stations, then Tal with Le Sens de la Vie, The Meaning of Life, and Les Frangines with La Route, or The Road.

je sais ce que je veux. Peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai. Je me rappelle ces jours de liesse où on partait belle innocence sur tes chemins, le pas pressé et fier. Je me rappelle ces longs chemins dont on ne voyait pas la fin, ces douces rencontres au goût de miel, ce vent si pur, cette mer si belle. Je me rappelle de nos chansons, de ces décors aux vastes horizons, de nos sourires, de nos douleurs, de nos soupirs et de nos peurs. On a opté pour la folie passagère.

Une pour toi, une pour moi. Aisément, on fait la fin du monde. Je te donne l'hémisphère nord, j'ai froid. Je prends l'hémisphère sud. En deux temps, trois mouvements. Je te donne le fil à retordre. Je prends l'air et la porte en même temps. Et pourquoi quand ça s'explique, faut que ça dure au moins trois tours du monde. Si c'est la fin du monde. Dans les champs, j'en ai marre dans le crâne, je débouche l'hémisphère gauche et le ministère de la fiable qui rentre au Liechtenstein, Liechtenstein, Liechtenstein. En deux temps, trois mouvements, je reprends 10 poils de la bête. Je suis solidaire du gars qui m'en met la tête dans la compète. Et pourquoi quand on la prend et qu'on la retourne, elle tourne toujours si mal? La terre, faut peut-être qu'on la remballe.

Mississippi, même si je ne suis pas de là. Je vais m'oublier, ouais, m'oublier dans tes bras, même si je ne suis pas d'ici. Je connais pas peur le bord du Mississippi, même si je ne suis pas de là. Je vais m'oublier, m'oublier dans tes bras, ouais. Je veux vivre là tranquille, m'abandonner dans l'herbe fine, ouais. Je veux vivre là tranquille, me laisser aller. Grégoire with Sécan, Arthur H. with La Beauté de l'Amour, and Christophe Maé with Tomber sous le Charme. World famous Circus Abyssinia returns to Children's Theatre Company with a brand new show. Watch in awe as this stunning display of athleticism celebrates Dorar Tutulu, the first black African woman to win Olympic gold. Great for all ages, this dazzling spectacle of high-flying acrobatics is on stage September 13th through October 23rd. Tickets at childrenstheater.org. Now we're going to listen to Gauvin Serre with Ton Jean Bleu, You Blue Jean. Then Thomas Fersen with Félix. I love Thomas Fersen. I discovered him when I first came to the US. I knew already of him, but I found him very uplifting and silly and a lot of play on words. He's great. Then La Féline avec T'emporter. Take you with me. Je fais des ronds dans mon café à la cuillère machinalement, et je trouve ça beau à pleurer de te regarder tout simplement. Le pli d'oreiller sur ta joue, les cheveux coiffés par ta nuit. T'es à la bourre mais tu t'en fous, la terre tourne encore comme tu dis. Et moi j'attends le grand moment, tous les matins je tombe amoureux. Quand tu te glisses délicatement dans ton jean bleu, dans ton jean bleu. Tu sors de la douche en serviette et c'est déjà une œuvre d'art. J'en prends chaque fois plein les mirettes, je m'en remets deux jours plus tard. Si tu jouais la scène au ciné, serait l'Oscar de la tendresse. Il me vient même quelques idées, pas catholique, je le confesse. Et moi j'attends le grand moment, ta fermeture éclaire mes cieux. Quand tu te glisses délicatement dans ton jean bleu, dans ton jean bleu. Je crayonne devant le miroir, ça me fascine, ça m'éblouit. Je crois que ça rendrait fou Renoir, tellement le tableau est joli. Si seulement j'étais photographe, à capter l'instant suspendu, je te garderais la meilleure place dans mon larfeuille, bien entendu. Et moi j'attends le grand moment, toi tu en joues un tout petit peu. Quand tu te glisses délicatement dans ton jean bleu. Il épouse tes jambes et tes fesses, il t'effleure, te colle à la peau. Il se gêne pas pour les caresses, y'a pas à dire c'est un salaud. Si je suis jaloux comme un poux d'un bout de tissu d'un pantalon, je me vengerai mais après coup, en ouvrant moi-même les boutons. Je profite de ce moment, je le fais glisser peu à peu, et je prends la place délicatement de ton jean bleu. Et je profite de ce moment où je peux lire dans tes petits yeux, et prendre la place délicatement de mon jean bleu. De mon jean bleu. it was Gauvin Serre with Ton Jean Bleu, then Thomas Fersen with Félix, and La Féline with T'emporter. Support comes from Two Betties, providing green cleaning services to Twin Cities homes and businesses since 2006. Two Betties fact number 40. Use a credit card to clean. For scraping off residue that's baked on, burnt on, or dried on, nothing beats plastic. Two Betties cleaners make a first pass with a plastic card, then finish the job with eco-friendly cleansers and a damp microfiber cloth. Two Betties takes charge of cleaning for you. Learn more at TwoBettiesClean.com. That's TwoBettiesClean.com. Now we're going to listen to Fishback with Y crois-tu? Do you believe it? Then Raphaël with L'année la plus chaude de tous les temps, which could be 2020, the hottest year ever, and Zaz with Ébloui par la nuit, blinded by the night. C'est l'année la plus chaude de tous les temps.